Une fête de nuit au Louvre. Salle magnifique. Des groupes de seigneurs et de dames passent et repassent. La fête, qui a un peu le caractère d'une orgie, tire à sa fin. Entre le roi, accompagné de monsieur de la Tour Landry. Comte, je veux mener à fin cette aventure. Une femme bourgeoise de naissance pure sans doute, mais charmante. Et vous la rencontrez le dimanche à l'église? À Saint-Germain-des-Prés, j'y vais chaque dimanche. Et voilà tout à l'heure 2 mois que cela dure. Oui. De la belle demeure. Au cul-de-sac Bussy. Près de l'hôtel Bossé. Dans l'endroit où l'on trouve un grand mur. Ah, je sais. Et vous la suivez, si? Une farouche vieille qui lui garde les yeux et la bouche et l'oreille est toujours là. Vraiment? Et le plus curieux, c'est que le soir, un homme a l'air mystérieux, très bien enveloppé pour se glisser dans l'ombre du cap fort noir et de la nuit fort sombre, entre dans la maison. Et faites de même. Oh, la maison est fermée et murée au prochain. Et par votre majesté, quand la dame est suivie, vous a-t-elle parfois donné signe de vie? Mais à certains regards, je crois, sans trop d'erreurs, qu'elle n'a pas pour moi d'insupportable enfer. C'est elle que le roi l'aime? Je me déguise d'une livrée en laine et d'une robe grise. Je vois que vous aimez d'un amour épuré quelque auguste toinon, maîtresse d'un curé. Chut! Viens, en amour, il faut savoir se taire pour réussir. N'est-ce pas, mon fou? Le mystère est la seule enveloppe où la fragilité d'une intrigue d'amour puisse être en sûreté. Madame de Vendôme est divine. Mesdames d'Albe et de Montchevreuil sont de fort belles femmes. Madame de Cossé les passe toutes trois. Madame de Cossé, sire, baissez la voix, le mari vous entend. Mon cher Simiane, qu'importe! Il lira dire à Madame Diane. Il va fâcher Diane de Poitiers, il ne lui parle pas depuis 8 jours entiers. S'il l'a l'air renvoyé à son mari. J'espère que non. Elle a payé la grâce de son père, partant quitte. À propos du sieur de Saint-Vallier, quelle idée avait-il, ce vieillard singulier, de mettre en un lit nuptial sa Diane, sa fille, d'une beauté choisie et diaphane, un ange que du ciel la terre avait reçu, tout pêle-mêle avec un sénéchal bossu? C'est un vieux fou. J'étais sur son échafaud même quand il reçut sa grâce. Un vieillard grave et blême. J'étais plus près de lui que je ne suis de toi. Il ne dit rien, sinon que Dieu garde le roi. Il est fou maintenant, tout à fait. Inhumaine, vous partez? Pour Soissons, où mon mari m'emmène. N'est-ce pas une honte, alors que tout Paris et les plus grands seigneurs et les plus beaux esprits fixent sur vous des yeux, plein d'amoureuses envies, à l'instant le plus beau d'une si belle vie, que vous, qui d'un tel lustre éblouissez la cour, que ce soleil parti l'on doute s'il fait jour, vous alliez, méprisant duc, empereur, roi, prince, briller, astre bourgeois, dans un ciel de province. Vous calmez-vous. Non, non, rien. Caprice original que d'éteindre le lustre au beau milieu du bal. Oh, le diable et son âme! Je n'en ai pas moins fait un quatrain à sa femme. Mon fou, t'a-t-on montré ces derniers vers de moi? Je ne lis pas des vers de vous. Les vers de roi sont toujours très mauvais. Drôle! La canaille va se rimer amour et jour, vaille que vaille. Mais près de la beauté, gardez vos lots divers. Sire, faites l'amour. Marot fera les vers. Roi qui rime, déroge. Ah, rimez pour les belles, cela rosse le cœur. Je veux mettre des ailes à mon donjon royal. C'est en faire un moulin. Si je ne voyais la madame de Coilin, je te ferais fouetter. Madame de Coilin. Suis le vent qui t'emporte aussi vers celle-là. Voici par l'autre porte madame de Cossé. Je te gage ma foi qu'elle laisse tomber son gant pour que le roi le ramasse. Observons. L'ai-je dit? Admirable! Voilà le roi repris. Une femme est un diable très perfectionné. Le mari. Quittons-nous. Que vient-il faire ici, ce gros ventru jaloux? Que se disait-il? Quoi? Votre femme est bien belle. Qu'est-ce donc qui vous trotte ainsi par la cervelle? Pourquoi regardez-vous si souvent de côté? Monsieur! Vous avez l'air tout en charivoté! Oh. Ah, que je suis heureux! Près de moi, non, Hercule et Jupiter ne sont que des femmes ridicules. L'Olympe est un taudis. Cette femme, c'est charmant! Je suis heureux! Et toi? Considérablement! Je ris tout bas du bal, des jeux, des amourettes. Moi, je critique et vous, vous jouissez. Vous êtes heureux comme un roi, sire, et moi comme un bossu. Jour de joie, ma mère en riant m'a conçu. Ce monsieur de Cossé seul dérange la paix. Comment te semble-t-il? Outrageusement bête. Ah, n'importe, excepté ce jaloux, tout me plaît. Tout pouvoir, tout vouloir, tout avoir. Tant il voulait quel plaisir d'être au monde, et qu'il fait bon de vivre, quel bonheur. Je crois bien, sire. Vous êtes si... Mais là, j'aperçois les beaux yeux, les beaux bras. Madame de Cossé. Yeah, tu nous... nous gardera. Dimanche, du parc de Paris, quand les femmes sont blanches. Quand les femmes sont grises. Que savez-vous ce soir? Rien, que la fête est belle et que le roi s'amuse. Ah, c'est une nouvelle, le roi s'amuse, ah diable. Et c'est très malheureux, car un roi qui s'amuse est un roi dangereux. Ce pauvre gros cosset me met la mort dans l'âme. Il paraît que le roi sert de près sa femme. Oui. Et voilà ce cher duc. Mes amis, du nouveau. Une chose à brouiller le plus sage cerveau. Une chose admirable. Une chose risible. Une chose amoureuse. Une chose impossible. Quoi donc? Chut. Venez ça, maître Clément Marot. Que me veut monseigneur? Vous êtes un grand sot. Je ne me croyais grand en aucune manière. J'ai lu dans votre écrit du siège de Béchières ces vers sur Triboulet. Fou de tête et corné, aussi sage à 30 ans que le jour qu'il est né. Vous êtes un grand sot. Que Cupido me damne, si je vous comprends. Soit. Monsieur le Signal, monsieur le Parrayan. Devinez, s'il vous plaît, une chose inouïe arrive à Triboulet. Il est devenu droit. On l'a fait connétable. On l'a servi tout cuit par hasard sur la table. Non, c'est plus drôle. Il a... Devinez ce qu'il a, c'est incroyable. Un duel avec Gargantua? Point. Un singe plus laid que lui? Non pas. Sa poche pleine d'écus? L'envoi du chien du tournemoche. Un rendez-vous avec la Vierge au paradis? Une arme par hasard. Je vous le donne en 10. Triboulet, le bouffon, Triboulet, le difforme. Cherchez bien ce qu'il a. Quelque chose d'énorme. Sa bosse? Non, il a... Je vous le donne en 100. Une maîtresse. Le duc est fort plaisant. Le bon comte. Messieurs, j'en jure sur mon âme. Et je vous ferai voir la porte de la dame. Il y va tous les soirs, vêtu d'un manteau brun, hein? L'air sombre et furieux comme un poète à jeun. Je lui vais faire un tour. Rodant à la nuit close, près de l'hôtel Cosset, j'ai découvert la chose. Gardez-moi le secret. Quel sujet de rondeau, quoi? Triboulet, la nuit, se change en Cupido. Pas ma messère Triboulet. Une selle sur un cheval de bois. Je crois que la donzelle, si quelque autre Bedford débarquait à Calais, aurait tout ce qu'il faut pour chasser les Anglais. Chut. D'où vient que le roi sort aussi vers la brune, tous les jours et tout seul, comme cherchant fortune? Vic nous dira cela. Ce que je sais d'abord, c'est que sa majesté paraît s'amuser fort. Ah, ne m'en parlez pas. Mais que je me soucie de quel côté le vent pousse sa fantaisie, pourquoi le soir il sort dans sa cape d'hiver, méconnaît sa blantoue de vêtements et d'air, si de quelque fenêtre il se fait une porte, n'étant pas marié, mes amis, que m'importe. Ah, ouais. Les vieux seigneurs, messieurs, savent cela. Prends toujours chez quelqu'un tout le plaisir qu'il a. Car à quiconque a sœur, femme ou fille à séduire, un puissant en gaieté ne peut songer qu'à nuire. Il est bien des sujets de craindre là-dedans. D'une bouche tirée, on voit toute la langue. Comme il a peur du roi. Sa femme, fort charmante, en a moins peur que lui. C'est ce qu'il est pouvant. Cosset, vous avez tort. Il est très important de maintenir le roi gai, prodigue et content. Je suis de ton avis, comte. Un roi qui s'ennuie, c'est une fille en noir, c'est un effet de pluie. C'est un amour sans duel. C'est un flacon plein d'eau. Le roi revient avec Triboulet Cupido. Des savants à la cour. Monstruosité rare. Mais entendre raison à ma sœur de Navarre, elle veut m'entourer de savants. Entre nous, convenez de ceci. Que j'ai vu moins que vous. Donc, sire, j'ai sur vous pour bien juger les choses, dans tous leurs résultats et dans toutes leurs causes, un avantage immense, et même deux, je crois. C'est de n'être pas gré et de n'être pas roi. Plutôt que des savants ayez ici la peste, la fièvre, etc. La vie est un peu leste. Ma sœur veut m'entourer de savants. C'est bien mal de la part d'une sœur. Il n'est pas d'animal, pas de corbeau goulu, pas de loup, pas de chouette, pas de poisson, pas de bœuf, pas même de poète, pas de marbétan, pas de théologien, pas d'échevin flamand, pas d'ours et pas de chien, plus laid, plus de chevelu, plus repoussant de forme, plus caparaçonné d'absurdité et d'armes, plus hérissé, plus sale et plus gonflé de vent que cet âne bâti qu'on appelle un savant. Manquez-vous de plaisir, de pouvoir, de conquête et de femmes en fleurs pour parfumer vos pêches? Ma sœur Marguerite, un soir, m'a dit très bas que les femmes toujours ne me suffiraient pas. Et quand je m'ennuierais... C'est si inouï. Conseillez les savants à quelqu'un qui s'ennuie. Madame Marguerite, vous en conviendrez toujours pour les parties les plus désespérées. Eh bien, pas de savants, mais 5 ou 6 poètes. Si! J'aurais plus peur, étant ce que vous êtes. Tafès, toujours de rimes barbouillées que Belzébuth n'a peur d'un goupillon mouillé. Sacoussi, c'est toute une écurie, c'est une académie, une ménagerie. N'avons-nous pas assez de marrons que voici sans nous empoisonner de poèmes aussi? Mais, si, vous devez avoir parfois dans l'âme un vide. Hein? Autour de vous, n'avoir pas une femme dont l'œil vous dise non, dont le cœur vous dise oui. Qu'en sais-tu? N'être aimé que d'un cœur ébloui, ce n'est pas être aimé. Sais-tu si pour moi-même, il n'est pas dans ce monde une femme qui m'aime? Sans vous connaître? Eh oui, sans compromettre ici ma petite beauté du cul de sac cuisse. Une bourgeoise, donc? Pourquoi non? Prenez garde! Une bourgeoise, au ciel, votre amour se hasarde. Les bourgeois sont parfois de farouches romains quand on touche à leurs biens, la marque en reste aux mains. Tenez, contentons-nous, fous et rois que nous sommes, des femmes et des sœurs de nos beaux gentilshommes. Oui, je m'arrangerai de la femme accostée. Prenez-la. C'est facile à dire et malaisé à faire. Enlevons-la cette nuit. Et le comte? Et la Bastille? Oh non! Pour régler votre compte, faites duc. Il est jaloux comme un bourgeois. Il refusera tout et criera sur les toits. C'est un homme fort gênant, qu'on le paie ou l'exile. Mais il est un moyen commode, très facile, simple, auquel je devrais déjà avoir pensé. Faites couper la tête à monsieur de Cosmos. On suppose un complot avec l'Espagne ou... Oh, le petit Satan! Oh là, quoi de gentilhomme, y penses-tu? Couper la tête que voilà, oh. Regarde cette tête, ami. Vois-tu cela? S'il en sort une idée, elle est toute cornue. Comme le moule auquel elle était contenue. Couper ma tête! Eh bien! Tu le pousses à bout. Que diable, on n'est pas roi pour se gêner en tout, pour ne point se passer la moindre fantaisie. Me couper la tête! Oh, j'en ai l'âme si. Mais c'est tout simple. Où donc est la nécessité de ne pas vous couper la tête? En vérité, je te châtirai, drôle! Oh, je ne vous crains guère. Entouré de puissants auxquels je fais la guerre, je ne crains rien, monsieur. Car je n'ai sur le coup autre chose à risquer que la tête d'un fou. Je ne crains rien, sinon que ma bosse me rentre au corps et comme à vous me tombe dans le ventre, ce qui m'en les dirait. Marron, qu'on a arrêté. Le roi se tient de rire les côtés. Comme à la moindre chose, il rit, il s'abandonne. C'est curieux, un roi qui s'amuse en personne. Vengeons-nous du bouffon. Il est cuirassé. Par où le prendre? Où donc le frapper? Je le sais. Nous avons contre lui chacun quelques rancunes. Nous pouvons nous venger. Trouvez-vous à la brune ce soir, tous bien armés au cul-de-sac du cyprès près de l'hôtel Cossé. Plus un mot de ceci. Je devine. C'est digne? C'est dit. Silence, il rentre. À qui jouer un tour maintenant? Au roi? Entre. Monsieur de Saint-Vallier, un vieillard tout en noir, demande à voir le roi. Mon Dieu, laissez-nous voir monsieur de Saint-Vallier. C'est charmant, comment diable, cela va nous faire une escandre incroyable. Qui donc? Parlez au roi. Qui donc est entré? Parlez au roi. Non, non. Si, vous parlerez. Monsieur de Saint-Vallier? C'est ainsi qu'on me nomme. Oh, sire, laissez-moi haranguer le bonhomme. Monseigneur, vous aviez conspiré contre nous. Nous vous avons fait grâce, en roi clément et doux, c'est au mieux. Quelle rage à présent vient vous prendre d'avoir des petits-fils de monsieur votre gendre? Votre gendre est affreux, mal bâti, mal tourné, marqué d'une verrue au beau milieu du nez, borgne, disent les uns, velu, chétif et blême, ventru comme monsieur, oh. Reçu comme moi-même. Qui verrait votre fille à son côté rirait. Si le roi n'y mettait pas ordre, il vous ferait des petits-fils tordus, des petits-fils horribles, roux, brèche-dents, manqués, effroyables, risibles, ventrus comme monsieur et bossus comme moi. Votre genre d'être laid. Laissez faire le roi et vous aurez un jour des petits-fils ingrandes pour vous tirer la barbe et vous grimper aux jambes. Une insulte de plus. Vous, sire, écoutez-moi. Comme vous le devez, puisque vous êtes roi. Vous m'avez fait un jour mener pieds nus en grève. Là, vous m'avez fait grâce, ainsi que dans un rêve. Et je vous ai béni, ne sachant en effet ce qu'un roi cache au fond d'une grâce qu'il fait. Or, vous aviez caché ma honte dans la mienne. Oui, sire, sans respect pour une race ancienne, pour le sang de Poitiers, noble depuis 1000 ans, tandis que revenant de la grève à pas lents, je priais dans mon cœur le Dieu de la victoire qu'il vous donna mes jours de vie en jours de gloire. Vous, François de Valois, le soir du même jour, sans crainte, sans pitié, sans pudeur, sans amour, dans votre lit, tombeau de la vertu des femmes, vous avez froidement, sous vos baisers infâmes, terni, flétri, souillé, déshonoré, brisé, Diane de Poitiers, comtesse de Brézé. Quoi ? Lorsque j'attendais l'arrêt qui me condamne, tu courais donc au Louvre, ô ma chaste Diane. Et lui, ce roi, sacré chevalier par Bayard, jeune homme auquel il faut les plaisirs de vieillard, pour quelques jours de plus, dont Dieu seul sait le compte. Ton père, sous ses pieds, te marchandait à honte. Et cet affreux tréteau, chose horrible à penser qu'un matin le bourreau vint en grève dressé, avant la fin du jour, devait être au misère. Le lit de la fille, ou l'échafaud du père. Sire, en faisant cela, vous avez mal agi. Que du sang d'un vieillard le pavé fût rougi, c'était bien, ce vieillard peut-être respectable le méritait. Étant de ceux du connétable, mais que pour le vieillard vous ayez pris l'enfant, que vous ayez broyé sous un pied triomphant la pauvre femme en pleurs, à s'effrayer trop prompte, c'est une chose impie, et dont vous rendrez compte. Vous avez dépassé votre droit d'un grand pas, le père était à vous, mais la fille, non pas. Ah, vous m'avez fait grâce, ah, vous nommez la chose une grâce, et je suis un ingrat, je suppose. Sire, au lieu d'abuser ma fille, bien plus tôt que n'êtes-vous venu vous-même en mon cachot, je vous aurais crié, faites-moi mourir. Grâce, oh grâce pour ma fille, et grâce pour ma race, oh faites-moi mourir, la tombe, et non la front, pas de tête plutôt qu'une souillure au front. J'aurais dit cela, sire. Et le soir, dans l'église, dans mon cercueil sanglant, baisant ma barbe grise, ma Diane au cœur pur, ma fille au front sacré, honorée, eût prié pour son père honoré. Sire, je ne viens pas redemander ma fille. Quand on n'a plus d'honneur, on n'a plus de famille. Qu'elle vous aime ou non d'un amour insensé, je n'ai rien à reprendre où la honte a passé. Gardez-la. Seulement, je me suis mis en tête de venir vous troubler ainsi dans chaque fête. Et jusqu'à ce qu'un père, un frère, ou quelque époux, la chose arrivera, nous ait vengé de vous, pas à tous vos banquets, je reviendrai vous dire, vous avez mal agi, vous avez mal fait, sire, et vous m'écouterez, et votre front terni ne se relèvera que quand j'aurai fini. Vous voudrez, pour forcer ma vengeance à se taire, me rendre au bourreau. Non, vous ne l'oserez faire, de peur que ce ne soit mon spectre. Demain revienne vous parler, cette tête à la main. On s'oublie à ce point d'audace et de délire. Duc, arrêtez, monsieur. Le bonhomme est fou. Voyez, maudits tous deux. Sire, ce n'est pas bien sur le lion mourant, vous lâchez votre chien. Qui que tu sois, valet à langue de vipère, qui fait riser ainsi de la douleur d'un père, sois maudit. D'être traité par vous comme une majesté par une majesté. Vous êtes roi, moi père, et là je vaux le trône. Nous avons tous les deux au fond une couronne où nul ne doit lever de regards insolents, vous de fleurs de lys d'or et moi de cheveux blancs. Roi, quand un sacrilège ose insulter la vôtre, c'est vous qui la vengez, c'est Dieu qui venge l'autre. Coin le plus désert du cul-de-sac Bussy. Tout près, une petite maison de modeste apparence. Plus loin, les murs très hauts des jardins de l'hôtel de Cosset. On aperçoit le clocher de Saint-Séverin. Triboulet, enveloppé d'un manteau, paraît dans la rue et se dirige vers une porte pratiquée dans un mur. Un homme vêtu de noir, également couvert d'une cape, dont le bas est relevé par une longue épée, le suit. Ce vieillard m'a maudit. Monsieur, Oh, je n'ai rien. Je ne demande rien, monsieur. Fis donc. Enfin, c'est bien. Monsieur me juge mal. Je suis homme d'épée. Est-ce un voleur? Monsieur a la mine occupée. Je vous vois tous les soirs de ce côté rôdé. Vous avez l'air d'avoir une femme à garder. Diable! Je ne dis pas mes affaires aux autres. Mais c'est pour votre bien qu'on se mêle des vôtres. Si vous me connaissiez, vous me traiteriez mieux. Peut-être votre femme a fat fait les 12 yeux et vous êtes jaloux. Voulez-vous, on s'en... Pour quelques paragantes, on vous tuera votre homme. Oh, c'est fort bien. Monsieur, vous voyez que je suis un honnête homme. Peste. Et que si je vous suis, c'est pour de bons desseins. Oui, certes, un homme utile. Le gardien de l'honneur des dames de la ville. Et combien prenez-vous pour tuer un galant? C'est selon le galant qu'on tue et le talent qu'on a. Pour dépêcher un grand seigneur. Ah, diantre. On court plus d'un péril de coup d'épée au ventre. Ces gens-là sont armés. On y risque sa chair. Le grand seigneur est cher. Le grand seigneur est cher. Est-ce que les bourgeois, par hasard, se permettent de se faire tuer entre eux? Mais ils s'y mettent. C'est un luxe, pourtant. Luxe, vous comprenez, qui reste en général parmi les gens bien nés. Il est quelques faquins qui, pour de grosses sommes, tiennent à se donner des airs de gentilshommes et me font travailler. Mais ils me font pitié. On me donne moitié d'avance et la moitié après. Oui, vous risquez le gibet, le supplice. Non, non. Nous redevons un droit à la police. Ah, tant pour un homme. À moins que vous dirai-je, moi, qu'on ait tué, mon Dieu... qu'on ait tué le roi. Et comment t'y prends-tu? Monsieur, je tue en ville ou chez moi, comme on veut. Ta manière est civile. J'ai pour aller en ville un estoc bien pointu. J'attends l'homme le soir. Chez toi, comment fais-tu? J'ai ma sœur Maglone, une fort belle fille qui danse dans la rue et qu'on trouve gentille. Elle attire chez nous le galant une nuit. Je comprends. Et vous voyez, cela se fait sans bruit, c'est décent. Donnez-moi, monsieur, votre pratique, vous en serez content. Je ne tiens pas boutique, je ne fais pas l'éclat. Surtout, je ne suis point de ces gens à poignard serrés dans leur pourpoint qui vont se mettre 10 pour la moindre équipée. Bandit dont le courage est court comme l'épée. Voici mon instrument. Oh. Pour vous servir. Vraiment? Merci, je n'ai besoin de rien pour le moment. Tant pis. Quand vous voudrez me voir, je me promène tous les jours à midi devant l'hôtel du Maine. Mon nom, Saltabadil. Bohème. Et Bourguignon. Un homme précieux et dont je prends le nom. Monsieur, ne pensez pas mal de moi, je vous prie. Non, que diable, il faut bien avoir une industrie. À moins de mendier d'être un fainéant, un gueux. J'ai 4 enfants. Il serait malséant de ne pas élever. Le ciel vous tienne en joie. Il fait grand jour encore, je crains qu'on ne nous voie. Bonsoir. Adiousas. Tout votre serviteur. Nous sommes tous les deux à la même hauteur. Une langue acérée, une lame pointue. Je suis l'homme qui rit. Il est l'homme qui tue. Ce vieillard m'a maudit. Pendant qu'il me parlait, pendant qu'il me carriait, oh, sois maudit, valet. Je raillais sa douleur. Ah oui, j'étais un phare. Je riais, mais j'avais l'épouvante dans l'âme. Maudit. Ah, la nature et les hommes m'ont fait bien méchant, bien cruel et bien lâche, en effet. Orage. Être bouffon, rage, être difforme. Toujours cette pensée qu'on veille ou qu'on dorme quand du monde en rêvant vous avez fait le tour, retomber sur ceci. Je suis bouffon de cour, de vouloir, de pouvoir, de devoir et de faire que rire. Quel excès d'opprobre et de misère. Quoi? Ce qu'ont les soldats ramassés en troupeau autour de ce haillon qu'ils appellent drapeau, ce qui reste après tout aux mendiants d'Espagne, à l'esclave en Tunis, au forçat dans son bagne, à tout homme ici-bas qui respire et se meut le droit de ne pas rire et de pleurer s'il veut, je ne l'ai pas. Ah Dieu, triste et l'humeur mauvaise brille dans un corps mal fait où je suis mal à l'aise, tout rempli du dégoût de ma difformité, jaloux de toute force et de toute beauté, entouré de splendeurs qui me rendent plus sombre. Parfois, farouche et seul, si je cherche un peu long, si je veux recueillir et calmer un moment mon âme qui sanglote et pleure amèrement, mon maître tout à coup survient, mon joyeux maître, qui, tout puissant, aimait des femmes, content d'être, à force de bonheur, oubliant le tombeau, grand, jeune et bien portant, et roi de France, et beau, me pousse avec le pied dans l'ombre où je soupire et me dit trompaillant, « Bouffon, fais-moi donc rire. » Ah, pauvre fou de cou. C'est un homme, après tout. Eh bien, la passion qui dans son âme boue, la rancune, l'orgueil, la colère hautaine, l'envie, la fureur dont sa poitrine est pleine, le calcul éternel de quelque affreux dessein, tous ces noirs sentiments qui lui rongent le sein, sur un signe du maître en lui-même, il les broie, et pour quiconque en veut, il en fait de la joie. Objection. S'il marche, ou se lève, ou s'assied, toujours il sent le fil qui lui tire le pied. Mépris de toutes parts, tout homme l'humilie, ou bien. C'est une reine, une femme, jolie, demi-nue et charmante, et dont il voudrait bien qu'il le laisse jouer sur son lit comme un chien. Aussi, mes beaux seigneurs, mes railleurs gentilshommes, comme il vouait bien. Quels ennemis nous sommes, comme il vous fait parfois payer cher vos dédains, comme il sait leur trouver des contre-coups soudains. Il est le noir démon qui conseille le maître. Vos fortunes, messieurs, n'ont plus le temps de naître, et sitôt qu'il a pu dans ses ongles saisir quelque belle existence, il les fait à plaisir. Vous l'avez fait méchant, oh douleur est-ce vivre. Mêlé du fiel au vin dont un autre s'enivre, si quelque bon instinct germant soit à l'effacer, étourdir de grelots l'esprit qui veut penser, traverser chaque jour comme un mauvais génie des fêtes qui pour vous ne sont qu'une ironie, démolir le bonheur des heureux par ennui, n'avoir d'ambition qu'aux ruines d'autrui, contre tous partout où le hasard vous pose, portez toujours en soi. Mêlé à toute chose et gardé et caché sous un rire moqueur, un fond de vieille haine extravasé au cœur. Je suis malheureux. Mais ici, comme importe, suis-je pas un autre homme en passant cette porte? Oublions un instant le monde dont je sors. Ici, je ne dois rien apporter du dehors. Ce vieillard m'a maudit. Pourquoi cette pensée revient-elle toujours lorsque je l'ai chassé? Pourvu qu'il n'aille rien m'arriver. Suis-je fou? Ma fille! Ah, mets tes bras alentour de mon cou, sur mon cœur, près de toi, tout rit. Rien ne me pèse. Enfant, je suis heureux et je respire à l'aise. Plus belle tous les jours. Tu ne manques de rien, dis. Es-tu bien ici? Blanche, embrasse-moi bien. Comme vous êtes bon, mon père. Non, je t'aime, voilà tout. N'es-tu pas ma vie et mon sang même? Si je ne t'avais point, qu'est-ce que je ferais, mon Dieu? Vous soupirez. Quelques chagrins secrets, n'est-ce pas? Dites-les à votre pauvre fille. Hélas, je ne sais pas, moi, quelle est ma famille. Enfant, tu n'en as pas. J'ignore votre nom. Que t'importe mon nom? Nos voisins de Chinon, de la petite ville où je suis élevée, me croyaient orpheline avant votre arrivée. J'aurais dû t'y laisser. Si tu étais plus prudent. Mais je ne pouvais plus vivre ainsi, cependant. J'avais besoin de toi, besoin d'un cœur qui m'aime. Si vous ne voulez pas me parler de vous-même... Ne sors jamais. Je suis ici depuis 2 mois. Je suis allée en tout à l'église 8 fois. Bien. Mon bon père, au moins, parlez-moi de ma mère. Hein? Ne réveille pas une pensée amère. Ne me rappelle pas qu'autrefois j'ai trouvé, et si tu n'étais pas là, je dirais, j'ai rêvé. Une femme, contraire à la plupart des femmes, qui, dans ce monde où rien n'a pareil, les âmes, me voyant seule, infirme et pauvre et détestée, m'aima pour ma misère et ma difformité. Elle est morte, en portant dans la tombe avec elle l'angélique secret de son amour fidèle, de son amour passé sur moi comme un éclair, rayon du paradis tombé dans un enfer. Que la terre, toujours à nous recevoir prête, soit légère à ce sein qui repose à ma tête. Toi seul m'es resté. Eh bien, mon Dieu, merci. Que vous devez souffrir. Vous voir pleurer ainsi. Non, je ne le veux pas. Non, cela me déchire. Et que dirais-tu donc si tu me voyais rire? Mon père, qu'avez-vous? Dites-moi votre nom. Oh, versez dans mon sein toutes vos peines. Non, à quoi bon me nommer? Je suis ton père. Écoute, hors d'ici, vois-tu bien, peut-être on me redoute, qui sait? L'on me méprise et l'autre me maudit, mon nom. Qu'en ferais-tu quand je te l'aurais dit? Je veux ici, du moins je veux en ta présence, dans ce seul coin du monde où tout soit innocence, n'être pour toi qu'un père, un père vénéré, quelque chose de saint, d'auguste et de sacré. Mon père! Est-il ailleurs un cœur qui me réponde? Oh, je t'aime pour tout ce que je hais au monde. Moi, je n'ai que toi seul. Un autre est riche. Eh bien, toi seul est mon trésor et toi seul est mon bien. Un autre croit en Dieu. Je ne crois qu'en ton âme. D'autres ont la jeunesse et l'amour d'une femme. Ils ont l'orgueil, l'éclat, la grâce et la santé. Ils sont beaux. Moi, vois-tu, je n'ai que ta beauté, cher enfant. Ma cité, mon pays, ma famille, mon épouse, ma mère et ma sœur et ma fille, mon bonheur, ma richesse et mon culte et ma loi, mon univers, c'est toi, toujours toi, rien que toi. De tout autre côté, ma pauvre âme est froissée. Oh, si je te perdais... Non ! C'est une pensée que je ne pourrais pas supporter un moment. Souris-moi donc un peu. Ton sourire est charmant. Oui, c'est toute ta mère. Elle était aussi belle. Tu passes souvent la main au front comme elle, comme pour l'essuyer. Car il faut au cœur pur un front tout innocence et des cieux tout azur. Tu rayonnes pour moi d'une angélique flamme à travers ton beau corps, mon âme. Vois ton âme, même les yeux fermés, c'est égal, je te vois. Le jour me vient de toi. Je me voudrais parfois aveugle et l'œil voilé d'obscurité profonde afin de n'avoir pas d'autre soleil au monde. Oh, que je voudrais bien vous rendre heureux. Qui, moi? Je suis heureuse ici. Quand je vous aperçois, ma fille, c'est assez pour que mon cœur se fonde. Oh, les beaux cheveux noirs. Enfant, vous étiez blonde, qui le croirait? Un jour, avant le couvre-feu, je voudrais bien sortir et voir Paris un peu. Jamais, jamais! Ma fille, avec Dame Bérard. Tu n'es jamais sortie, au moins? Non. Prends-y garde. Je ne vais qu'à l'église. Oh, ciel, on la verrait, on la suivrait, peut-être on me l'enlèverait. La fille d'un bouffon, cela se déshonore, et l'on ne fait qu'en rire. Ah, oh, je t'en prie encore. Reste ici, enfermé. Enfant, si tu savais comme l'air de Paris aux femmes est mauvais, comme les débauchés vont courant par la ville. Oh, les seigneurs, surtout. Oh, Dieu, dans cet asile, fais croître sous tes yeux, préserve des douleurs et du vent rageux qui flétrit d'autres fleurs. Garde de toute haleine impure, mais en rêve, pour qu'un malheureux père, ces heures de trêve, on puisse respirer le parfum abrité, cette rose de grâce et de virginité. Je ne parlerai plus de sortir, mais par grâce, ne pleurez pas ainsi. Non, cela me délasse. Ah, j'ai tant ri l'autre nuit. Mais c'est trop m'oublier, Blanche. Il est temps d'aller reprendre mon collier. Adieu. Reviendrez-vous bientôt, dites. Peut-être. Vois-tu, ma pauvre enfant, je ne suis pas mon maître. Dame Bérard! Quoi, monsieur? Lorsque je viens, personne ne me voit entrer. Je le crois bien, c'est si désert. Adieu, ma fille bien-aimée. La porte sur le quai. Vous la tenez fermée. Je sais une maison derrière Saint-Germain plus retirée encore. Je la verrai demain. Mon père, celle-ci me plaît pour la terrasse d'où l'on voit des jardins. Ne monte pas, de grâce. Marche-t-on pas dehors? Quoi, ne puis-je le soir aller respirer là? Prends garde, on peut y voir. Vous ne mettez jamais de lampe à la fenêtre. Et comment voulez-vous qu'un homme ici pénètre? Quelle précaution! Mon père, dites-moi, mais que craignez-vous donc? Rien pour moi, tout pour toi, Blanche, ma fille. Un dieu. Triboulet! Comment diable? La fille à Triboulet? L'histoire est impeccable. J'y pense. Quand tu vas à l'église prier, personne ne vous voit. Jamais. Il faut crier si l'on vous suivait. Oh, j'appellerai main forte. Et puis n'ouvrez jamais si l'on frappe à la porte. Quand ce serait le roi. Surtout si c'est le roi. Le roi, profitant de l'obscurité, est entré dans le jardin alors que la porte était ouverte. Il se tient caché derrière un arbre. Dame Bérard l'a bien aperçu, mais au moment où il allait donner l'alarme, le roi lui a acheté une bourse qui l'a fait taire. Au cours de la scène suivante, il lui donnera des pièces d'or qu'elle empochera sans scrupule. J'ai du remords pourtant. Du remords? Et pourquoi? Comme à la moindre chose, il s'effraie et s'alarme. En partant, dans ses yeux, j'ai vu luire une larme. Pauvre père, si bon. J'aurais dû l'avertir que le dimanche, à l'heure où nous pouvons sortir, un jeune homme nous suit. Tu sais, ce beau jeune homme. Pourquoi donc lui conter cela, madame? En somme, votre père est un peu sauvage et singulier. Vous haïssez donc bien ce jeune cavalier. Moi, le haïr? Oh non. Hélas, bien au contraire. Depuis que je l'ai vu, rien ne peut m'en distraire. Du jour où son regard à mon regard parla, le reste n'est plus rien. Je le vois toujours là. Je suis à lui. Vois-tu, je m'en fais une idée. Il me semble plus grand que tous d'une coudée. Comme il est brave et doux, comme il est noble et fier. Bérard, et qu'à cheval, il doit avoir bel air. C'est vrai qu'il est charmant. Un tel homme doit être... accompli. Dans ses yeux, on voit son cœur paraître. Un grand cœur. Certes, un cœur immense. Valeureux. Formidable. Et pourtant, bon. Tendre. Généreux. Magnifique. Il me plaît. Sa taille est sans pareil. Ses yeux, son front, son nez. Oh Dieu, voilà la vieille qui m'admire en détail. Je suis dévalisée. Je t'aime d'en parler aussi bien. Je le sais. De l'huile sur le feu. Bon, tendre, un cœur immense, valeureux, généreux. Diable, elle recommence. C'est un très grand seigneur. Il a l'air élégant et quelque chose en or de brodé sur son gant. Non, je ne voudrais pas qu'il fût seigneur ni prince. Mais un pauvre écolier qui vient de sa province, cela doit mieux aimer. C'est possible, après tout, si vous le préférez ainsi. Cerveau de jeune fille ou tout ce contrarie. Ce beau jeune homme-là vous aime à la folie. Je crois l'être en sec. Plus un sou, plus un mot. Le dimanche, jamais ne revient assez tôt. Quand je ne le vois pas, ma tristesse est bien grande. Oh, j'ai cru l'autre jour au moment de l'offrande qu'il allait me parler. Et le cœur m'a battu. J'y songe nuit et jour. De son côté, vois-tu, l'amour qu'il a pour moi l'absorbe. Je suis sûre que toujours dans son âme, il porte ma figure. C'est un homme ainsi fait. Oh, cela se voit bien. D'autres femmes que moi ne le touchent en rien. Il n'est pour lui ni jeu, ni passe-temps, ni fête. Il ne pense qu'à moi. J'en jurerais ma tête. Ma bague pour la tête. Ah, oh, je voudrais souvent, en y songeant le jour, la nuit, en y rêvant, l'avoir là, devant moi, pour lui dire à lui-même, sois heureux, sois content. Oui, je t'ai... Oh, je t'aime. Achève, achève. Oh, dis, je t'aime. Ne crains rien. Dans une telle bouche, un tel mot va si bien. Bérard! Plus personne. Oh, Dieu, qui me réponde. Personne. Deux amants heureux, c'est tout un monde. Monsieur, d'où venez-vous? De l'enfer ou du ciel, qu'importe. Que je sois Satan ou Gabriel, je t'aime. Oh, ciel. Oh, ciel, ayez pitié. J'espère qu'on ne vous a point vu. Sortez. Dieu, si mon père... Sortir. Quand palpitante en mes bras je te tiens, lorsque je t'appartiens, lorsque tu m'appartiens, tu m'aimes, tu l'as dit. Il m'écoutait. Sans doute, quel concert plus divin veux-tu donc que j'écoute? Oh, vous m'avez parlé. Maintenant, par pitié, sors. Sortir. Quand mon sort à ton sort est lié, quand notre double étoile au même horizon brille, quand je viens éveiller ton cœur de jeune fille, quand le ciel m'a choisi pour ouvrir à l'amour ton âme vierge encore et ta paupière au jour. Blanche, C'est le bonheur que ton amant t'apporte. Le bonheur qui, timide, attendait à ta porte. La vie est une fleur. L'amour en est le miel. C'est la colombe unie à l'aigle dans le ciel. C'est la grâce tremblante à la force appuyée. C'est ta main dans ma main, doucement oubliée. Et mon amour, et mon amour. Non, laissez. Il va bien. Allez, Brise, dis-moi que tu m'aimes. Vaut rien. Blanche, redis-le-moi. Vous m'avez entendu. Vous le savez. Je suis heureuse. Je suis perdue. Non, heureuse avec moi. Vous m'êtes étranger. Dites-moi votre nom. Il est temps d'y songer. Vous n'êtes pas au moins seigneur ni gentilhomme. Mon père les craint tant. Mon Dieu, non, je me nomme. Voyons. Gaucher Maillet. Je suis un écolier très pauvre. Est-il menteur? C'est ici, chevalier. J'entends quelqu'un dehors. C'est mon père, peut-être. Partez, monsieur. Connais-je entre mes mains le traître qui me dérange ainsi? Fais-le vite passer par la porte du quai. Quoi, déjà te laisser? M'aimeras-tu demain? Et vous? Ma vie entière. Oh, vous me tromperez, car je trompe mon père. Jamais un seul baiser, Blanche, sur tes beaux yeux. Mais c'est un embrasseur tout à fait furieux. Non, non. Le roi est sorti, suivi de la duègne. Gaucher Maillet. Nom de celui que j'aime, grave-toi dans mon cœur. Blanche est entrée dans sa maison. On l'apercevra quelques instants encore sur la terrasse. C'est alors que la rue se peuple de gentilshommes armés, couverts de manteaux et masqués. Un valet les suit, portant une échelle. La nuit est très noire. Messieurs, c'est elle-même. Voyons, quelle beauté bourgeoise. Je te plains si tu fais ton régal des femmes de ville. Comment la trouves-tu? La vilaine est jolie. C'est une fée, un ange, une grâce accomplie. Quoi? C'est là la maîtresse à Messire Triboulet, le surnom, le faquin. La plus belle au plus laid, c'est juste. Jupiter et ma croisée les races. Messieurs, ne perdons pas notre temps en grimaces. Nous avons résolu de punir Triboulet. Or, nous sommes ici tous à l'heure qu'il est avec notre rancune. Et de plus une échelle. Escaladons le mur et volons-lui sa belle. Portons la dame au Louvre et que sa majesté, à son lever demain, trouve cette beauté. Le roi mettra la main dessus, que je suppose. Le diable, à sa façon, débrouillera la chose. Bien dit, à l'œuvre. Au fait, c'est un morceau de roi. Je reviens. À quoi bon? Oh, je ne sais pourquoi. Ça, trouvez-vous si bien, messieurs, que brune et blonde, notre roi prenne ainsi la femme à tout le monde. Je voudrais bien savoir ce que le roi dirait si quelqu'un usurpait la reine. Oh, mon secret. Ce vieillard m'a maudit. Quelque chose me trouble. Qui va là? Triboulet, messieurs. Victoire double. Tuons le traître. Oh non. Il est dans notre main. Et nous ne l'aurions plus pour en rire demain. Oui, si nous le tuons, le tour n'est plus si long. Mais il va nous gêner. Laissez-moi la parole. Je vais arranger tout. On sait parler tout bas. Triboulet! Qui va là? Là, ne nous mange pas, c'est moi. Qui, toi? Marot. Oh, la nuit est si noire. Oui, le diable s'est fait du ciel une écritoire. Dans quel but? Nous venons, ne l'as-tu pas pensé? Enlever pour le roi Madame de Cossé. Oh, très bien. Je voudrais lui rompre quelques membres. Mais comment ferez-vous pour entrer dans sa chambre? Cossé, donnez la clé. Tiens, touche cette clé. Y sens-tu le blason de Cossé ciselé? Les trois feuilles de scie, oui. Mon Dieu, suis-je bête? Voilà l'hôtel Cossé, que diable avais-je en tête? Vous enlevez sa femme au gros Cossé? J'en suis. Nous sommes tous masqués. Eh bien, un masque. Et puis? Tu nous tiendras à l'échelle. Oh. Êtes-vous en ombre? Je n'y vois plus du tout. C'est que la nuit est sombre. Vous pouvez crier haut et marcher d'un pas lourd. Le bandeau que voilà le rend aveugle et sourd. Faire mon purgatoire, font-ils bientôt fini? Quelle dérision! Ils m'ont pendé les yeux! Ah! Malédiction! Chambre donnant sur la chambre du roi. Arrangeons la fin de l'aventure. Il faut que Triboulet s'intrigue, se torture et ne devine pas que sa belle est ici. Il cherche sa maîtresse, oui, c'est fort bien. Mais si les portiers cette nuit ont vu la lui, tous les huissiers du Louvre ont ordre de lui dire qu'ils n'ont point vu de femme en tressillant la nuit. De plus, un mien laquais, drôle, aux ruses instruits, pour lui donner le change, est allé sur sa porte lui rôtant du bouffon que d'une ou d'autre sorte, il avait dû traîner à l'hôtel d'Hautefort une femme à minuit qui se débattait. Bon, l'hôtel d'Hautefort, le piéton le voit du Louvre. Et rompt bien sur ses yeux le bandeau qui les couvre. Et ce matin, au drôle envoyé ses billets. Je viens de t'enlever ta belle, ô Triboulet. Je l'emmène, s'il faut t'en donner des nouvelles, hors de France avec moi. Signé Jean Duvel. Oh, comme il va faire chier. Je suis de le voir. Sylvain le malheureux, avec son désespoir, ses soins tristés, ses dents de colère tirées, nous payeront un jour, peut-être. Elle est là, la maîtresse Triboulet. Vraiment. J'ai soufflé sa maîtresse à mon fils, c'est charmant. Sa maîtresse ou sa femme? Je ne le savais pas, si père de famille. Le roi la veut-il voir? Par Dieu! Ma belle, entrez! Vous prendrez à présent que vous le voudrez. Vous êtes près du roi. Sortez! Oh, je suis maillé! Yann! Moi, tout gentilhomme! Maîtrise, vous faites exprès, je suis ravi du tout. Vive Dieu! Ma beauté! Ma violence! Mon amour vient dans mes bras! Le roi! Le roi! Laissez-moi, fille! Mon Dieu, je ne sais plus comment parler, ni dire. Monsieur Beauté-Maillet. Non, vous êtes le roi! Oh, qui que vous soyez, ayez pitié de moi! Ma partie, c'est de toi, Blanche, moi qui t'adore. Ce que Gaucher disait, François le dit encore. Tu m'aimes et je t'aime et nous sommes heureux. Être roi ne saurait gâter un amoureux. Enfin, tu me croyais bourgeois, clair, moi peut-être. Parce que le hasard m'a fait un peu mieux naître, parce que je suis roi. Ce n'est pas un motif de me prendre en horreur, publiquement, tout juste. Ce n'est pas le bonheur d'être un manon qu'apporte. Oh mon Dieu, je voudrais être si bon. Les fêtes, les jeux, les danses, les tournois, les doux propos d'amour le soir au fond des bois, tant plaisir que la nuit couvrira de son aile, voilà ton avenir auquel le mien se mêle. Oh, nous soyons deux amants, deux heureux, deux vécus, il faut un jour vieillir, et la vie entre nous cette époque où malgré l'aisance et la mortelle, quelques instants d'amour par place d'étincelle n'est qu'un triste haillon sans ces paillettes-là. Non, j'ai réfléchi souvent à tout cela, et voici la sagesse. Honorons Dieu le Père, aimons et jouissons, et faisons quoi? Ne croyez-tu donc un amour étranglant, un kiff, un de ces fous lugubres étant en flammes, qui pense qu'il suffit pour que toutes les femmes et tous les cœurs charmés se rendent devant eux, de pousser des soupirs avec un air. Laissez-moi, malheureux. Homme, la France. Un peuple entier, 15 millions d'hommes, richesse, honneur, plaisir, pouvoir, contraint, loi, tout est pour moi, tout est à moi. Eh bien, du souverain, qui sera souveraine? Blanche, je suis le roi. Eh bien, du souverain, tu seras souveraine. Blanche, je suis le roi. Toi, tu seras la reine. La reine? C'est votre femme. Innocence, oh vertu. Ah, ma femme n'est pas ma maîtresse, vois-tu. Votre maîtresse? Oh non, quelle honte. La fière. Je ne suis pas à vous, non, je suis à mon père. Ton père, mon bouffon, mon fou, mon Triboulet, ton père, il est à moi, j'en fais ce qui me plaît. Il veut ce que je veux. Oh Dieu, mon pauvre père. Quoi, tout est donc à vous. Blanche. Oh, tu m'es bien chère, Blanche, ne pleure plus. Viens sur mon cœur. Jamais. Tu ne m'as pas encore redit que tu m'aimais. Oh, c'est fini. Je t'ai sans le vouloir blessé. Ne sanglote donc pas comme une délaissée. Un roi qui fait pleurer une femme, oh mon Dieu, lâcheté. Oh, n'est-ce pas? Tout ceci n'est qu'un jeu. Si vous êtes le roi, j'ai mon père, il me pleure. Faites-moi ramener près de lui. Je demeure devant l'hôtel Cossé. Mais vous le savez bien. Oh, qui donc êtes-vous? Je n'y comprends plus rien. Comme ils m'ont emporté avec des cris de fête, tout ceci comme un rêve est brouillé dans ma tête. Je ne sais même plus vous que j'ai cru si doux. Si je vous aime encore, vous, roi, oh, j'ai peur de vous. Je vous fais peur, méchante. Oh, laissez-moi. Qu'entends, je baiser le pardon. Non. Quelle fille étrange. Laissez-moi. Cette porte. Oh, j'ai la clé sur moi. Elle se réfugie dans la chambre du roi. Oh, le pauvre petit. Hé, hey, comte. Est-ce qu'on rentre? Le lion a traîné la brebis dans son antre. Pauvre Triboulet. Le voici. Toutou, ça, n'ayons l'air de rien. Étonnons-nous bien tous. Messieurs, je suis le seul qu'il puisse reconnaître. Il n'a parlé qu'à moi. Ne laissons rien paraître. Oui, messieurs, c'est alors... Et bonjour, Triboulet. Qu'en fit cette chanson en forme de couplet? Quand Bourbon vit Marseille, il a dit à ses gens: vrai Dieu, quel capitaine trouverons-nous dedans? Au monde la Colombe, le passage est étroit. Montèrent tous ensemble en soufflant à leurs doigts. En soufflant à leurs doigts. Montèrent tous ensemble en soufflant à leurs doigts. En soufflant à leurs doigts. Ah, Triboulet, bravo. On fait le coup, c'est sûr. Quoi de nouveau, bouffon? Ce gentilhomme est lugubre à voir rire. Quoi de nouveau, bouffon? Oui, que viens-tu nous dire? Si vous vous mettez à faire le charmant, vous allez devenir encore plus insommant. Où l'ont-ils caché? Oh, si je la leur demande, ils se riront de moi. Marot, ma joie est grande que tu ne te sois pas cette nuit enrhumé. Cette nuit? Un bon tour, et dont je suis charmé. Quel tour? Oui. Je me suis pour toutes aventures le couvre-feu sonnant mis sous mes couvertures, et le soleil brillait quand je me suis levé. Ah, tu n'es pas sorti cette nuit? J'ai rêvé. Messieurs, peut-être. Qu'avez-vous tant à rire ainsi? Marot, c'est lui qui nous fait rire. Ils sont bien joyeux aujourd'hui. Ne me regarde pas de cet air malhonnête, ou je vais te jeter Triboulet à la tête. Le roi n'est pas encore éveillé? Non, vraiment. Se fait-il quelque bruit dans son appartement? Non, ne va pas réveiller sa majesté! Vicomte, ce faquin de Marot nous fait un plaisant compte. Les trois Guy, revenus ma foi l'on ne sait d'où, ont trouvé l'autre nuit, Candice maître fou, leur femme. Toutes trois, avec d'autres... cachées! Les morales du temps se font s'y relâcher. Les femmes, c'est si traître. Oh, prenez garde, prenez garde, monsieur de Cossé. Quoi? Je vois quelque chose d'affreux qui vous pend à l'oreille. Quoi donc? Une aventure absolument pareille. Monsieur, l'animal est vraiment curieux. Voilà le cri qu'il fait quand il est furieux. Qu'est-ce, vos dragons? La reine, ma maîtresse, demande à voir le roi pour affaire qui presse. Madame de Brézé n'est pas chez lui, pourtant. Le roi n'est pas levé. Comment, duc? Dans l'instant, il était avec vous. Le roi chasse. Sans page et sans piqueur, alors. Car tous ses équipages sont là. Diable, on vous dit, comprenez-vous ceci, que le roi ne peut voir personne. Elle est ici! Elle est ici! Elle est avec le roi! Mais qu'a-t-il donc? Il délire, elle? Ah, vous savez bien, messieurs, qui je veux dire. Ce n'est pas une affaire à me dire, va-t'en. La femme, Cavoutos, Cossé, Tienne et Satan. Voyons, Montmorency, la femme désolée que vous avez hier dans ma maison volée. Monsieur de Pardaillan, vous en étiez aussi. Oh, je la reprendrai, messieurs. Elle est ici. Triboulet a perdu sa maîtresse. Gentil ou laide, qu'il la cherche ailleurs. Je veux ma fille. Allez. C'est ma fille. Arriez maintenant. Ah, vous restez muet. Vous trouvez surprenant que ce bouffon soit père et qu'il ait une fille? Les loups et les seigneurs n'ont-ils pas leur famille? Ne puis-je pas aussi avoir la mienne? Allons assez! Si vous plaisantiez, c'est charmant. Finissez! Ma fille, je la veux, voyez-vous. Oui, l'on cause, on chuchote, on se parle en riant de la chose. Moi, je n'ai pas besoin de votre être triomphant, mes seigneurs. Je vous dis qu'il me faut mon enfant. Elle est là! Sa folie en furie est tournée. Ah, courtisan, courtisan, démon, race damnée. C'est donc vrai qu'ils m'ont pourri, ma fille. C'est bandit. Une femme à leurs yeux, ce n'est rien, je vous dis. Une femme est un champ qui rapporte, une ferme dont le royal loyer se paye à chaque terme. Ce sont mille faveurs pleuvant, on ne sait d'où. C'est un gouvernement, un collier sur le cou, un tas d'accroissement que sans cesse on augmente. En est-il parmi vous un seul qui me démente? N'est-ce pas que c'est vrai, mes seigneurs? En effet, vous les vendriez tous, si ce n'est déjà fait, pour un nom, pour un titre, ou toute autre chimère. Toi, ta femme, voyons. Toi, ta sœur. Toi, ta mère. Un brillon dont la gueule était duc de Milan, un gorge de Simiane, un Tienne, un Pardaillan. Vous, un Montmorency, les plus grands noms qu'on nomme, avoir été volé, sa fille, à ce pauvre homme. Non, il n'appartient point à ces grandes maisons d'avoir des cœurs si bas. Sous d'aussi fiers blasons, non, vous n'en êtes pas. Au milieu des huées, vos mères, au laquais, se sont prostituées. Vous êtes tous bâtards. Oh, ma fille, il me la faut à la fin. Allez-vous me la rendre bientôt? Voici longtemps que j'attends, il me semble. Rendez-la moi. La porte, ouvrez-la. Ah, tous ensemble, contre moi. Dix contre un. Eh bien, je pleure. Oui. Marot, tu t'es de moi bien assez réjoui. Si tu gardes une âme, une tête inspirée, un cœur d'homme du peuple encore sous ta livrée, où me l'ont-ils caché? Et qu'en ont-ils fait? Dis, elle est là, n'est-ce pas? Oh, parmi ces maudits, faisons cause commune en frères que nous sommes. Toi seul as de l'esprit dans tous ces gentils hommes, Marot, oh, mon Marot. Tu te tais. Oh, voyez, je demande pardon, mes seigneurs, sous vos pieds. Je suis malade, ayez pitié, je vous en prie. J'aurais un autre jour mieux pris. L'expièglerie, je suis votre bouffon, je demande merci, grâce. Ne brisez pas votre enchère ainsi. Ce pauvre Triboulet qui vous a tant fait rire. Vraiment, je ne sais plus maintenant que vous dire. Rendez-moi mon enfant, mes seigneurs. Rendez-moi ma fille, qu'on me cache en la chambre du roi, mon unique trésor. Mais bon seigneur, par grâce, qu'est-ce que vous voulez à présent que je fasse sans ma fille? Mon sort est déjà si mauvais, c'était la seule chose au monde que j'avais. Ah, vous ne savez que rire ou que vous taire. C'est donc un grand plaisir de voir un pauvre père se meurtrir la poitrine et s'arracher du front des cheveux que deux nuits pareilles blanchiront. Mon père! Oh, mon enfant! C'est elle! C'est elle! Ah, ma fille! Ah, messieurs, voyez, c'est toute ma famille, mon ange. Elle de moins qu'elle deuil dans ma maison. Mes seigneurs, n'est-ce pas que j'avais bien raison? Crains plus rien, c'est une plaisanterie. C'était pour rire. Ils t'ont fait bien peur, je parie. Mais ils sont bons. Ils ont vu comme je t'aimais, Blanche. Ils nous laisseront tranquilles désormais. N'est-ce pas? Quel bonheur de te revoir encore. J'ai tant de joie au cœur que maintenant j'ignore si ce n'est pas heureux. Je ris, moi qui pleurais, de te perdre un moment pour te revoir après. Mais pourquoi pleurer, toi? Malheureux que nous sommes. Petite fille. Non, pas devant tous ces hommes. Rougir devant vous seul. Infâme. Elle aussi. Restez seule avec vous. Allez-vous-en d'ici. Et si le roi François, par malheur, se hasarde à passer près d'ici, vous êtes de sa garde. Dites-lui de ne pas entrer, que je suis là. On n'a jamais rien vu de fou comme cela. Oh, fou comme aux enfants, on sait de quelque chose. Veillons pourtant de peur d'accident. Allons, cause. Dis-moi tout. M'avez-vous entendu, mon seigneur? Eh, fou, cela se croit tout permis en l'honneur. Parle, à présent. Mon père, il faut que je vous conte qui s'est hier glissé dans la maison. Oh, j'ai honte. depuis longtemps. J'aurais dû vous parler plus tôt. Il me suivait. Il faut reprendre de plus haut. Il ne me parlait pas. Il faut que je vous dise que ce jeune homme allait le dimanche à l'église. Oui, le roi. Que toujours, pour être vu, je crois, il remuait ma chaise en passant près de moi. Hier, dans la maison, il a su s'introduire. Que je t'épargne au moins l'angoisse de tout dire. Blanche, oh mon seul asile, en l'état d'où je suis, jour qui me réveillait au sortir de leur nuit. Ciel perdu, enfoui en cette bouillie monte, la seule chose sainte où je crus en ce monde. Plus j'étais tombé bas, plus je la voulais haut. Il faut bien un autel auprès d'un échafaud. L'autel est renversé. Cache ton front. Oui, Claire. Cher enfant. Je t'ai trop fait parler tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, pleure bien. Une part des douleurs à ton âge parfois s'écoule avec les plaies. Verse tout, si tu peux, dans le cœur de ton père. Blanche, quand j'aurai fait ce qu'il me reste à faire, nous quitterons Paris, si j'échappe pourtant. Ah, suffit-il d'un jour pour que tout change tant? Oh, roi François Ier, puisse Dieu qui m'écoute te faire trébucher bientôt dans cette route, puis s'ouvrir demain le sépulcre où tu cours. Oh, Dieu, n'écoutez pas, car je l'aime toujours. Monsieur de Montchenu, faites ouvrir la grille au sieur de Saint-Vallier qu'on mène à la Bastille. Puisque par votre roi, outrages abreuvés, ma malédiction n'a pas encore trouvé ici-bas ni là-haut de voix qui me répondent, pas une foudre au ciel, pas un bras d'homme au monde, je n'espère plus rien, ce roi prospérera. Contre ! Vous vous trompez ! Quelqu'un vous vengera ! Un mois après, près de la grève déserte voisine de Tournelles, une masure misérablement meublée. L'aventure en est tellement à jour qu'on en voit tout l'intérieur. Un raide escalier mène au grenier. C'est la maison de Saltabadil. Tout près, un vieux parapet, en ruine au bas duquel coule la Seine. Au-delà de la rivière, le vieux Paris. Saltabadil, assis dans l'auberge, s'occupe à fournir son ceinturon. Triboulet est au dehors avec sa fille. Et tu l'aimes? Toujours. Je t'ai pourtant laissé tout le temps de guérir cet amour insensé. Je l'aime. Ah, pauvre cœur de femme. Mais explique tes raisons de l'aimer. Je ne sais. C'est unique, c'est étrange. Oh, non pas. C'est bien cela qui fait justement que je l'aime. On rencontre en effet des hommes, quelquefois, qui vous sauvent la vie, des maris qui vous font riches et dignes d'envie. Les aime-t-on toujours? Lui ne m'a fait, je crois, que du mal. Et je l'aime, et j'ignore pourquoi. Tenez, c'est à ce point qu'il n'est rien que j'oublie, et que s'il le fallait, voyez quelle folie. Lui qui m'est si fatal, vous qui m'êtes si doux, mon père, je mourrais pour lui comme pour vous. Je pardonne, enfant. Mais écoutez, il m'aime. Non, folle. Il me l'a dit, il me l'a juré même. Et puis il dit si bien et d'un air si vainqueur de ces choses d'amour qui vous prennent au cœur. Et puis, il a des yeux si doux pour une femme. C'est un roi brave, illustre et beau. C'est un infâme! Il ne sera pas dit lâche suborneur qu'il m'ait impunément arraché mon bonheur. Vous aviez pardonné, mon père. Au sacrilège! Il me fallait le temps de construire le piège. Voilà, Depuis un mois, je vous parle en tremblant. Vous avez l'air d'aimer le roi. Je fais semblant. Je le vengerai, Blanche. Épargnez-moi, mon père. Deviendrait-il du moins au cœur quelque colère s'il te trompait? Lui? Non, je ne crois pas cela. Et si tu le voyais de ses yeux que voilà, dis, s'il ne t'aimait plus, tu l'aimerais encore? Je ne sais pas. Il m'aime, il me dit qu'il m'adore. Il me l'a dit hier. À quelle heure? Hier soir. Par le mur crevassé. Vois donc, si tu peux voir. Je ne vois rien qu'un homme. Attends un peu. Mon père! Deux choses sur le champ, voilà. La serre et mon verre. Voilà, Seigneur. Ce roi, par la grâce de Dieu, se risque souvent seul dans plus d'un méchant lieu. Et le vin qui le mieux le grise et le gouverne, est celui que lui verse une épée de taverne. Souvent femme varie, bien folie qui suffit. Une femme souvent n'est que le plus mourant. Ah! Allez, ton ceinturon deviendrait bien plus clair si tu l'avais un peu nettoyé en plein air. Je comprends. Voulez-vous qu'il vive ou bien qu'il meure? Votre homme est dans nos mains, là. Reviens tout à l'heure. Dans l'instant qu'on te serrait de près, tu m'as très fort battu. Lenny, c'est un progrès. Lenny, c'est un grand pas. Oh, toujours elle recule. Causons. Voilà 8 jours, c'est à l'hôtel d'Hercule. Qui m'avait mené là? Mon Striboulet, je crois, que j'ai vu tes beaux yeux pour la première fois. Or, depuis ces 8 jours, bel enfant, je t'adore. Je n'aime que toi seul. Et 20 autres encore. Monsieur, vous m'avez l'air d'un libertin parfait. Oui, j'ai fait le malheur de plus d'une, en effet. C'est vrai, je suis un monstre. Oh, le pas. Je t'assure. Ça, tu m'as ce matin mené dans ta masure. Méchant, tel rigolo d'une formale avec du vin. Que fait ton frère? Un animal forlé. Et qui doit être un drôle bien farouche d'oser le montrer son mufle à côté de ta bouche. C'est illégal. Je prétends y passer cette nuit. Bon, cela va tout seul. Laissez-vous. Que joyeux sage. Je choisis la sagesse, ma chère. Aimons et jouissons et faisons bonne chère. Je pense là-dessus comme feu Salomon. Tu vas au cabaret plus souvent qu'au cerveau. Ma gloire. Renvers sur la table. Si tu redis ce mot sauvage, c'est détestable. Jamais une beauté ne doit dire demain. Eh bien, faisons la paix. Mon Dieu. La belle main, et qu'on recevrait mieux sans être un bon apôtre, soufflait de celle-là, que caresse d'une autre. Vous vous moquez. Jamais. Je suis laide. Oh, non pas. Rendons plus de justice à tes divins appâts. Je brûle. Ignores-tu, reine des inhumaines, comme l'amour nous tient, nous autres capitaines, et que, quand la beauté nous accepte pour sien, nous sommes braise et feu jusque chez les russes. Vous avez lu cela quelque part dans un livre? C'est possible. Un baiser? Oh non, vous êtes vive. D'amour? Vous raillez avec votre air mignon, monsieur l'insouciant de belle humeur. Oh non! C'est assez. Où ça, je veux t'épouser. Ta parole? Quelle fille d'amour délicieuse. Eh bien, que penses-tu de la vengeance, enfant? Trahison, l'ingrat. Grand Dieu, mon cœur se fend. Oh, comme il me trompait. Mais c'est qu'il n'a point d'âme. Mais c'est abominable. Il dit à cette femme des choses qu'il m'avait déjà dites à moi. Et cette femme est-elle effrontée? Oh! Tais-toi! Pas pleure. Laisse-moi te venger. Hélas, faites tout ce que vous voudrez. Merci! Grand Dieu, vous êtes effrayant. Quel dessein avez-vous? Tout est prêt. Ne me le reprends pas. Cela m'est tout frais. Écoute, va chez moi. Prends-y des habits d'homme, un cheval, de l'argent, n'importe quelle somme, et pars sans t'arrêter un instant au chemin pour Évreux, où j'irai te joindre après-demain. Tu sais, ce coffre auprès du portrait de ta mère, l'habit est là. Je l'ai d'avance exprès fait faire, le cheval est scellé, que tout soit fait ainsi. Va! Surtout, garde-toi de revenir ici, car il va s'y passer une chose terrible. Venez avec moi, mon bon père. Impossible. Oh, je tremble. À bientôt. Fais ce que je te dis. Hé, l'homme. Monsieur. Il te faut 20 écus. En voici d'abord 10. Il passe ici la nuit, pour sûr. Le temps se couvre. Au fait, il ne va pas toujours coucher au Louvre. Soyez tranquille, avant une heure, il va pleuvoir. La tempête et ma sœur le retiendront ce soir. À minuit, je reviens. N'en prenez pas la peine. Je puis jeter tout seul un cadavre à la Seine. Non, je veux l'y jeter moi-même. À votre gré. Tout cousu dans un sac, je vous le livrerai. Bien. Non. À minuit, j'aurai le reste de la somme. Tout sera fait. Comment nommez-vous ce jeune homme? Son nom. Veux-tu savoir le mien également? Il s'appelle le crime et moi le châtiment. L'orage vient. La ville en est presque couverte. Tant mieux. Tantôt la grève en sera plus déserte. Autant qu'on peut juger de tout ceci, ma foi, tous ces gens-là m'ont l'air d'avoir on ne sait quoi. Je ne devine rien de plus. L'asthme qui... Maglone! Attendez! Oh, la méchante fille! Bonjour, qu'est-ce qui s'en arrive? Faites-le demain au Paris! Quelle épaule, quel bras! Ma charmante ennemie qui est blanc, Jupiter, la belle anatomie. Pourquoi faut-il que Dieu, qui fit ses beaux bras nus, ait mis le cœur d'un turc dans ce corps de Vénus? Mais Renaud-Vert! Quoi? Mon frère vient. Qu'importe! Il tonne! Il va pleuvoir d'une admirable sorte. Bon, qu'il pleuve! Il me plaît cette nuit de choisir ta chambre pour logis. C'est votre bon plaisir. Prends-t-il des airs de roi? Monsieur, votre famille s'alarmera. Je n'ai ni grand-mère, ni fille, je ne tiens à rien. Tant mieux. Tu coucheras, mon cher, à l'écurie, au diable, où tu voudras. Merci. Va-t'en. Il pleut, veux-tu pas que je sorte d'un temps à ne pas mettre un poète à la porte? Laisse-le donc rester, 10 écus d'or, et puis 10 autres à minuit. Trop heureux si je puis offrir pour cette nuit à Monseigneur ma chambre. On y grille en juillet. En revanche, en décembre, on y gère, n'est-ce pas? Monsieur, la veut-il voir? Voyons! Pauvre jeune homme. Oh, mon Dieu, qu'il fait noir! Voici le lit, monsieur. La chaise, et puis la table. Combien de pieds en tout? 3, 6, 9, admirable! Tes meubles étaient donc à Marion, mon cher, qu'ils sont tous éclopés. Et l'on dort en plein air, ni vitre, ni volet. Impossible qu'on traite le vent qui peut entrer de façon plus honnête. Bonsoir! Que Dieu vous garde. Je suis là. Mon Dieu. Donc, en attendant mieux, je vais dormir un peu. Que cette maglone et fraîche, vive, alerte. J'espère bien qu'il a laissé la porte ouverte. Oui. Eh bien. Ce jeune homme est charmant. Je crois bien. Il met 20 écus d'or dans ma poche. Combien? 20 écus. Il valait plus que cela. Poupée. Va voir là-haut s'il dort. N'a-t-il pas une épée? Descends là. Quel dommage! Il dort, pauvre garçon! Une chose terrible! Oh, je perds la raison! Il doit passer la nuit dans cette maison même! Oh, je sens que je touche à quelque instant suprême! Mon père, pardonnez, vous n'êtes plus ici! Je vous désobéis d'y revenir ainsi, mais je n'y puis tenir! Qu'est-ce donc qu'on va faire? Comment cela va-t-il finir? Moi qui naguère ignorant l'avenir, le monde et les douleurs, pauvre fille, vivait cachée avec des fleurs, me voir soudain jetée en des choses si sombres. Ma vertu, mon bonheur, hélas, tout est décombre, tout est deuil. Dans les cœurs où ses flammes ont lui, l'amour ne laisse donc ruine après lui. De tout cet incendie, il reste un peu de cendre. Il ne m'aime donc plus. Il me semblait entendre tout à l'heure à travers ma pensée un grand bruit sur ma tête. Il tonnait, je crois. L'affreuse nuit. Il n'est rien qu'une femme au désespoir ne fasse. Moi qui craignais mon ombre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tandis que je suis là, Dieu, j'ai le cœur saisi. Pourvu qu'on n'aille pas tuer quelqu'un ici. Quel temps? tonnerre. Oui, l'on fait à cette heure mauvais ménage au ciel. L'un gronde et l'autre pleure. Si mon père savait à présent où je suis. Mon frère. On a parlé, je crois. Mon frère. Et puis. Sais-tu mon frère à quoi je pense? Non. Devine. Au diable. Ce jeune homme est de fort bonne mine, grand, fier comme Apollo, beau, galant par-dessus. Il m'aime fort, il dort comme un enfant Jésus. Ne le tuons pas. Ciel! Recoue-moi tout de suite ce vieux sac. Pourquoi donc? Pour y mettre au plus vite quand j'aurai dépêché là-haut ton Apollo, son cadavre et ce garé, et tout jeter à l'eau. Mais! Ne te mêle pas de cela, ma clope. Si! Si l'on t'écoutait, on ne tuerait personne. Raccommode le sac. Quel est ce couple-ci? N'est-ce pas dans l'enfer que je regarde ainsi? J'obéis. Mais causons. Soit. Tu n'as pas de haine contre ce cavalier. Moi? C'est un capitaine. J'aime les gens d'épée en étant moi-même. Tu es un beau garçon qui n'est pas du commun pour un méchant bossu fait comme une aise. En somme, j'ai reçu d'un bossu pour tuer un bel homme, cela m'est fort égal, 10 écus tout d'abord. J'en aurai 10 de plus en livrant le mort. Livrons, c'est clair. Tu peux tuer le petit homme quand il va repasser avec toute la somme. Cela revient au même. Oh, mon père. Est-ce dit? Hein? Pour qui me prends-tu, ma sœur? Suis-je un bandit? Suis-je un voleur? Tu es un client qui me paie. Eh bien, mets dans le sac ce fameux fusil dans l'ombre, il le prendra pour son homme. C'est fort. Comment veux-tu qu'on prenne un fagot pour un mort? C'est immobile, sec, tout d'une pièce roide. Cela n'est pas vivant. Que cette pluie est froide. Grâce pour lui. Chanson. Mon bon frère. Plus bas. Il faut qu'il meure. Allons, tais-toi. Je ne veux pas, je l'éveille et le fais évader. Bonne fille. Et les 10 écus d'or. C'est vrai. Là, sois gentille. Laisse-moi faire, enfant. Non, je veux le sauver. Voyons, l'autre à minuit viendra me retrouver. Si d'ici là, quelqu'un, un voyageur, n'importe, vient nous demander gîte et frappe à notre porte, je le prends, je le tue. Et puis, au lieu du tien, je le mets dans le sac. L'autre n'y verra rien. Il jouira toujours autant dans la nuit close, pourvu qu'il jette à l'eau quelqu'un ou quelque chose. C'est tout ce que je puis faire pour toi. Merci. Mais qui diable veux-tu qui passe par ici? Seul moyen de sauver ton homme. Ah, par ailleurs. Oh, Dieu, vous me tentez, vous voulez que je meure. Faut-il que pour l'ingrat, je franchisse ce pas? Oh, non, je suis trop jeune. Oh, ne me poussez pas, mon Dieu. Si quelqu'un vient dans une nuit pareille, je m'engage à porter la mer dans ma corbeille. Si personne ne vient, ton beau jeune homme est mort. Horreur! Si j'appelais le guet, mais non, tout dort. D'ailleurs, cet homme-là dénoncerait mon père. Je ne veux pas mourir, pourtant. J'ai mieux à faire, j'ai mon père à soigner, à consoler. Et puis, mourir avant 16 ans, c'est affreux. Je ne puis. Oh, Dieu, sentir le fer entrer dans ma poitrine. Ma sœur, l'heure sonne à l'horloge voisine. C'est 11h04. Personne à moment de minuit ne viendra. Tu n'entends au dehors aucun bruit? Il faut pourtant finir, je n'ai plus qu'un quart d'heure. Mon frère, encore un peu. Quoi? Cette femme pleure et moi je reste là qui peut le secourir. Puisqu'il ne m'aime plus, je n'ai plus qu'à mourir. Eh bien, mourons pour lui. Oh, c'est égal, c'est horrible. Non, je ne puis attendre, enfin, c'est impossible. Encore si l'on savait comme ils vous frapperont, si l'on ne souffrait pas. Mais on vous frappe au front, au visage. Oh, mon Dieu. Que veux-tu que je fasse? Crois-tu pas que quelqu'un viendra prendre sa place? Je suis glacée. Allons. Mourir ayant si froid. On frappe. C'est le vent qui fait craquer le poids. On frappe. C'est étrange. Oh là, qu'est-ce? Un jeune homme. Asile pour la nuit. Il va faire un fier somme. Oui, la nuit sera longue. Ouvrez. Attends. Mon Dieu, donne-moi mon couteau que je l'aiguise. Ciel, j'entends le couteau qu'ils aiguisent ensemble. Pauvre jeune homme, il frappe à son tombeau. Je tremble. Quoi, je vais donc mourir. Oh Dieu, vers qui je vais? Je pardonne à tous ceux qui m'ont été mauvais. Mon père et vous, mon Dieu, pardonnez-leur de même. Au roi François Ier que je plains, que j'aime. À tous, même au démon même, à ce réprouvé qui m'attend là dans l'ombre, avec un fer levé. L'homme doit être prêt. Dépêche, il se lave. Bon, derrière la porte, attends comme place. J'entends tout ce qu'il dit. J'attends le signal. Ouvre. Entrez. Ciel, il va me faire bien du mal. Eh bien, qu'attendez-vous? La sœur aide le frère. Oh Dieu, pardonnez-le. Pardonnez-moi, mon père. Le long de la Seine, la maison de Saltabadil est fermée au regard. Aucune lumière, tout est ténèbre. Triboulet seul s'avance enveloppé d'un manteau. Je vais donc me venger. Enfin, la chose est faite. Voici bientôt un mois que j'attends, que je guette. Rester bouffon, cachant mon trouble intérieur, pleurant des pleurs de sang sous mon masque rieur. Cette porte! Ah! Tenir et toucher sa vengeance. C'est bien par là qu'ils vont me la porter, je pense. Il n'est pas l'heure encore. Je reviens, cependant. Oui, je regarderai la porte en attendant. Oui. C'est toujours cela. Quel temps, nuit de mystère, une tempête au ciel, un meurtre sur la terre. Je suis grand ici. Ma colère de feu va de pair cette nuit avec celle de Dieu. Quel roi je tue ? Un roi dont 20 autres dépendent. Des mains de qui la paix ou la guerre s'épand. Il porte maintenant le poids du monde entier quand il ne sera plus. Comme tout va plier, songez que si demain Dieu disait à la terre, ô terre, quel volcan vient d'ouvrir son cratère, quel bras te fait trembler, terre, comme il lui plaît, la terre, avec terreur, répondrait, Triboulet, jouis, vil bouffon, dans ta fierté profonde, la vengeance d'un fou fait osciller le monde. Minuit. Qui va là? Moi. Oh. Vite! N'entrez pas! Ouf! C'est lourd! Aidez-moi, monsieur, pour quelques pas! Votre homme est dans ce sac! Voyons-le! Quelle joie! Un flambeau! Par Dieu, non! Que craint-il qu'il nous voit? Les archers de l'écuelle et les guetteurs de nuit! Diable, pas de flambeau! J'ai bien assez du bruit! Tiens, l'argent! Il est donc des bonheurs dans la haine. Vous aiderai-je un peu pour le jeter en scène? J'y suffirai tout seul. À nous deux, c'est plus court. Un ennemi qu'on porte en terre n'est pas lourd. Vous voulez dire en scène? Eh bien, maître, à votre aise. Ne le jetez pas là. Cette place est mauvaise. Ici, c'est très profond. Faites vite. Bonsoir. Il est là. Mort. Pourtant, je voudrais bien le voir. C'est égal. C'est bien lui. Je le sens sous ce voile. Voici ses éperons qui traversent la toile. C'est bien lui. Maintenant, monde, regarde-moi. Ceci, c'est un bouffon. Et ceci, c'est un roi. Et quel roi? Le premier de tous. Le roi suprême, le voilà sous mes pieds. Je le tiens, c'est lui-même. La scène pour sépulcre et ce sac pour linceul. Qui donc a fait cela? Eh bien, oui, c'est moi seul. Non, je ne reviens pas d'avoir eu la victoire. Et les peuples demain refuseront d'y croire. Que dira l'avenir? Quel long étonnement parmi les nations d'un tel événement. Sort qui nous mets ici comme tu nous en oses. Une des majestés humaines les plus hautes. Toi, François de Valois, ce prince au cœur de feu, rival de Charles Quint, roi de France, un dieu à l'éternité près. Un gagneur de bataille dont le pas ébranlait les bases des murailles. L'homme de Marignan, lui qui toute une nuit poussa des bataillons l'un sur l'autre à grand bruit, emporté tout à coup dans toute sa puissance avec son nom, son bruit et sa cour qui l'encense, emporté comme on fait d'un enfant malvenu une nuit qu'il tenait par quelqu'un d'inconnu. Quoi, cette cour, ce siècle et ce règne, fumée? Ce roi qui se levait dans une aube enflammée, éteint, évanoui, dissipé dans les airs, apparu, disparu, comme un de ces éclairs. Et peut-être demain, des crieurs inutiles, montrant des tonnes d'or, s'en iront par les villes, et crieront aux passants de surprise et perdus, à qui retrouvera François Ier, perdu? Eh bien, dis maintenant, m'entends-tu? Maintenant, c'est étrange. Oui, c'est moi qui suis là, qui rit, qui me venge. Parce que je feignais d'avoir tout oublié, tout était endormi. Tu croyais donc piquer la colère d'un père aisément édenté? Oh non, dans cette lutte entre nous suscitée, lutte du faible au fort, le faible est le vainqueur. Lui qui léchait tes pieds, il te ronge le cœur. Je te tiens. M'entends-tu? C'est moi, le roi gentilhomme, moi, ce fou, ce bouffon, moi, cette moitié d'homme. Cet animal douteux à qui tu disais chien, c'est que quand la vengeance est en nous, vois-tu bien, dans le cœur le plus mort, il n'est plus rien qui dorme. Le plus chétif grandit, le plus vil se transforme. L'esclave tire alors sa haine du front, et le chat devient tigre, et le bouffon, bourreau. Ah, quand je voudrais bien qu'il pût m'entendre encore sans pouvoir remuer. Je t'abhorre. Va voir au fond du fleuve où tes jours sont finis si quelque courant d'eau remonte à Saint-Denis. Allô, François Ier. Allô. Quelle voix? Quoi? L'illusion des nuits, vous jouez-vous de moi? Oh, malédiction, mais ce n'est pas lui que j'ai, ils le font évader. Quelqu'un l'a protégé, on m'a trompé. Bandit! C'est trop haut, la fenêtre. Mais qui donc m'a-t-il mis à sa place, le traître? Quel innocent! C'est un corps humain. Je n'y vois pas. La nuit. Quoi, rien dans le chemin. Rien dans cette maison. Pas un flambeau qui brille. Attendons un éclair. Ma fille! Adieu! Ma fille! Ma fille! Thérésieuse! C'est ma fille à présent! Ma main est mouillée. À qui donc elle se sent? Ma fille! Oh, je m'y perds, c'est un prodige horrible, c'est une vision. Oh non, c'est impossible, elle est partie, elle est en route pour Évreux. Oh mon Dieu, n'est-ce pas que c'est un rêve affreux que vous avez gardé ma fille sous votre aile? Pas elle, homme. Mon Dieu. Si ! C'est elle ! C'est bien elle ! Ma fille, enfant, réponds-moi. Dis, ils t'ont assassiné. Oh, réponds ! Oh, bandit ! Personne ici, grand Dieu, que l'horrible famille. Parle-moi, parle-moi, ma fille. Oh, monsieur, ma fille. Qui m'appelle ? Elle parle, elle remue un peu. Son cœur bat, son œil s'ouvre. Elle est vivante, oh Dieu. Où suis-je ? Mon enfant, mon seul bien sur la terre. Reconnais-tu ma voix ? M'entends-tu ? Mon père. Blanche, dis que t'as-t-on fait ? Quel mystère infernal ! Je crains en te touchant de te faire du mal. Je ne vois pas. Ma fille, as-tu quelques blessures ? Conduis ma main. Le fer a touché, j'en suis sûre. Le cœur, je l'ai senti. Ce coup, qui l'a frappé ? Oh, tout est de ma faute et je vous ai trompé. Je l'aimais trop. Je meurs pour lui. Sort implacable, prise dans ma vengeance. Oh, c'est Dieu qui m'accable. Comment donc l'ont-ils fait, ma fille ? Explique-toi, dis. Ne me faites pas parler. Pardonne-moi, mais sans savoir comment te perdre. Oh, ton front penche. Oh, de l'autre côté, j'étouffe. Blanche, Blanche, ne meurs pas. Au secours ! Quelqu'un ! Pas personne ici. Est-ce qu'on va laisser mourir ma fille ainsi ? Ah, la cloche du bac est là, sur la muraille. Ma pauvre enfant, peux-tu attendre un peu que j'aille chercher de l'eau, sonner pour qu'on vienne ? Un instant. Non, tu ne le veux pas. Il le faudrait pourtant. Quelqu'un ! Cette maison, grand Dieu, c'est une tombe ! Oh, ne meurs pas. Enfant, mon trésor, ma colombe blanche. Si tu t'en vas, moi je n'aurai plus rien. Ne meurs pas, je t'en prie. Mon bras n'est pas bien, n'est-ce pas ? Oui, il te gêne. Attends que je me place autrement. N'est-ce mieux comme ça ? Par grâce, tâche de respirer jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous assister. Oh, au secours. Aucun secours, aucun. Pardonnez-lui, mon père. Adieu. Blanche. Allez, on meurt, on fait. Un mot, tâche encore de le dire. Mon enfant, mon enfant. Parole, ah, vous voilà. Vous venez maintenant, il est bien temps. As-tu des chevaux, toi, Manon, une voiture, dis ? Oui, comme il me secoue. Oui ! Eh bien, prends ma tête et mets-la sous ta roue. Au désespoir, c'est pas où on l'est. Je vais rester. Je veux la voir. Je ne vous ai fait point de mal pour me la prendre. Je ne vous connais pas. Voulez-vous bien m'entendre ? Madame, vous pleurez. Vous êtes bonne, vous. Dites-leur de ne pas m'emmener. À genoux, misérable. À genoux et meurs à côté d'elle. Oh, calmez-vous. Si c'est pour crier de plus belle, on va vous ramener. Non, non. Laissez. Je crois qu'elle respire encore. Elle a besoin de moi. Allez vite chercher du secours à la ville. Laissez-la dans mes bras, je serai bien tranquille. Elle m'aime, elle. Elle est ma joie et mon appui. Quand on rit de son père, elle pleure avec lui. Si belle et portante, non. Donnez-moi quelque chose pour essuyer son front. Sa lèvre est encore rose. Lorsqu'elle était enfant, je la tenais ainsi. Elle dormait sur moi, tout comme la voici. Quand elle s'éveillait, si vous saviez quel ange, je ne lui semblais pas quelque chose d'étrange. Elle me souriait avec ses yeux divins. Et moi, je lui baisais ses deux petites mains. Pauvre agneau, mort. Oh non, elle dort et repose. Tout à l'heure, monsieur, c'était bien autre chose. Elle s'est cependant réveillée. Oh, j'attends. Vous l'allez voir ouvrir ses yeux dans un instant. Vous voyez maintenant, messieurs, que je raisonne. Je suis tranquille et doux, je n'offense personne. Puisque je ne fais rien de ce qu'on me défend, on peut bien me laisser. Regardez, mon enfant. Pas une ride au front, pas de douleurs anciennes. J'ai déjà réchauffé ses mains entre les miennes. Voyez, touchez-les donc un peu. Le chirurgien. Tenez, regardez-la. Je n'empêcherai rien. Elle est évanouie, n'est-ce pas ? Elle est morte. Ah ! Elle a dans le flanc gauche une plaie assez forte. Le sang a dû causer la mort en l'étouffant. J'ai tué ! mon enfant. J'ai tué mon enfant. Le Théâtre populaire de juin 1944 vient de vous présenter, sous la direction artistique de Roger Latisse, Le Roi s'amuse, un drame en cinq actes en vers de Victor Hugo. Voici quels en étaient les personnages et acteurs. François Ier, Maurice Escande, sociétaire de la Comédie française. Triboulet, Jean Hervé. Blanche, Gisèle Casadesus, sociétaire de la Comédie française. Monsieur de Savalier, Jean Toulouse. Saltabadil, Jean Clarence. Magdelonne, Lily Sioux. Clément Marot, Hieronymus. Monsieur de Pienne, Fernand Favre. Monsieur de Gordes, Hubert Prélier. Monsieur de Pardaillan, Jacques Mancier. Monsieur de Cossé, Robert-Maxime Aubry. Monsieur de la Tour-Landry, Pierre Olivier. Monsieur de Vic, Marcel Alba. Monsieur de Montchenu, Raoul de Manèze. Madame de Cossé, Annie Bréa. Dame Bérarde, Olga Nilza. Un valet du roi, Pierre Ferval. Et le récitant, Philippe Hersan. Prise de son, Roger Fourgeau, opérateur Gérard de Louvain. Bruitage, Pierre Léonin. Assistante de production, Suzanne David. Présentation de M. Maurice Bertrand.